Ta maman est revenue. Rosé, rosé. Revenue avec trois belles robes. Rosé, rosé. Une pour toi, une pour moi. Rosé, rosé. Et une autre est pour elle. Rosé, rosé. Ta maman est revenue. Rosé, rosé. Revenue avec trois belles robes. Rosé, rosé. Une pour toi, une pour moi. Rosé, rosé. Et une autre est pour elle. Mamu ebe wa kulwa Rosé, rosé Nebi lamba bisatu Rosé, rosé Chimwe chebe, chimwe chanyi Rosé, rosé Chimwe cha mamu ebe Rosé, rosé Mamu ebe wa kulwa Rosé, rosé Nebi lamba bisatu Rosé, rosé Chimwe chebe, chimwe chanyi Rosé, rosé Chimwe cha mamu ebe Rosé, rosé.